Nice. Alors, je vais lire un texte, Actes chapitre 1er, verset 13 à 14. La technique, oui, je vois que la moitié du texte. Enlevez un peu le... Ah, on peut lire ici. La Bible dit, quand ils furent arrivés, wakati waliweza kufika, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient d'ordinaire. Balipanda pale pa nyumba ya juu. C'était Pierre, ilikuwa ni Pedro, Jean, Juan, Jacques, Jacques, André, André, Philippe, Philippe, Thomas, na Thomasi, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Matthayo, Jacques, Jacques, fils d'Alphée, mwana wa Alphée, Simon le Zélote, Simoni Zélote, et Jude, fils de Jacques, na Yuda mwana wa Jacques. Tous d'un commun accord, bote kwa umoja, persévéraient dans la prière, walidumu ndani ya maombi. Écoutez bien, avec les femmes, pamoja na wanamuke, avec les femmes, pamoja na wanamuke. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Nikisha fufuko wa Yesu Kristo. Tous d'un commun accord. Wote kwa umoja. Donc ils étaient d'accord. Walichikia pamoja. Un commun accord, c'est-à-dire ils étaient d'accord ensemble. Ni wote walichikia pamoja. Ils persévéraient dans la prière. Walidumu ni ndani ya maombi. Ils priaient ensemble. Walianza kuomba pamoja. Avec persévérance. Kisa na kudumu na maendeleo. Et ils étaient enfermés ensemble pendant 10 jours. Walijifungia tena pamoja masiku kumi. On a cité les 11 apôtres. Waliweza kutaya wa 11 apôtres. Et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Et expressement de nous citer avec les femmes. Nayo inatutaia tena pamoja na wanamke. Et Marie. Pamoja na Marie. Mère de Jésus-Christ. Mama wa Yesu Kristo. C'est-à-dire qu'il y avait, on a séparé un peu Marie des autres femmes. Banamweka Maria pembeni ya wanamke wengine. Puisqu'on peut dire il n'y avait que Marie. Sasa zingine tunaweza kusema kulikuwa ni paka Maria. Non, il n'y avait pas seulement Marie. Akukukua mpaka Maria. Il y avait Marie. Kulikuwa Maria. Il y avait aussi les autres femmes. Na wanamke wengine. Mais nous devons persévérer dans la prière. Inabidi tudumu ndani ya maombi wa prayer. Cette semaine. Iyo wiki. Nous persévérons ensemble dans la prière. Tunadumu pamoja ndani ya maombi. Nous et avec toutes les mamans de l'église. Sisi na wamama wote wa kanisa. Nous devons être concentrés dans le Seigneur. Tujiweke pamoja ndani ya Bwana. Ce qui nous intéresse bien-aimés. Hile inatuangalia wapendwa. C'est la présence de Dieu. Inakuwa tu ni uwapo wa Mungu. Ce qui nous intéresse. Hile katuangalia. C'est cette persévérance dans la prière. Frères et sœurs, si dans votre cœur, le Seigneur n'est pas plus grand que ce que vous avez. Le Seigneur n'est pas plus grand que les problèmes que vous avez. Vous n'aurez jamais de solution à vos problèmes. Donc je suis dans la joie aujourd'hui. Qu'ensemble puissions persévérer dans la prière avec les mamans. Pamoja tudumu ndani ya maombi pamoja na wamama. Avec les sœurs. Pamoja na wadada. Je sais que Dieu va nous visiter. Najua kusema Mungu atatutetea. Et Dieu va nous étonner. Na Mungu atatushangaisha. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Unaweza kuchapa kofi kwa ajili ya Bwana. Alors nous nous inclinons en prière. Tutainama ndani ya maombi. Recommande au Seigneur. Ujachilie kwa Bwana. Dis Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Sema Bwana unijalie nehema dioni ya leo. Que tu sois l'objet de ma joie. Wewe ukuye tu kishina ya furaha yangu. Que tu me donnes plus de joie que tout ce qu'on peut me donner sur la terre. Zidisha tena furaha kushindia yote wanaweza kunipatia pa udongo. La joie que Dieu peut te donner. Furaha yenye Mungu anaweza kupatia. Doit dépasser la joie que l'argent peut te donner. Inapita hata furaha hiyo fedha inaweza kupatia. Devant dépasser la joie que le mariage pourra te donner. Inapita hata ile furaha ndoa inaweza kupatia. Devant dépasser la joie que le grade peut te donner. Inapita hata cheo ile banaweza kupatia. Devant dépasser la joie que les honneurs des hommes peuvent te donner. Inapita hata maheshima ile watu wanaweza kupatia. J'aimerais que tu élèves ta voix. Natamani unyanyue sauti yako. Que le Seigneur donne-moi cette joie-là. Donne-moi cette joie-là. Donne-moi cette joie-là. Tu vas m'aider dans ma vie. Élève d'avoir prié le Seigneur. Seigneur, merci pour la joie. Nous avons besoin que tu nous donnes de la joie. Plus que le monde ne peut nous donner. Tu as dit la paix que je vous donne. Le monde ne peut pas vous la donner. Oui, Seigneur, donne-nous une paix que le monde ne peut nous donner. Donne-nous une joie que le monde ne peut nous donner. Seigneur, pendant ce temps, répands ton amour, répands ta grâce, répands tes bontés dans la vie de l'Église, dans nos cœurs, Seigneur. Quand nous marchons, il y a des moments où on ne sait même pas rire à cause des problèmes. Il y a des moments où on ne sait même pas sourire à cause des problèmes. Mais je sais que ta présence aujourd'hui va nous transformer. Ta présence aujourd'hui va changer notre vie. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir dans ta présence. Sois béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amina. C'est une journée des dames, des mamans de l'église. Avant de continuer, j'aimerais inviter maman présidente. C'est maman Miki Ndala. Miki Ndala. Pendant qu'elle s'approche, est-ce qu'on peut l'encourager aussi? Que Dieu vous bénisse. Amen, Église. Amen. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Soyons dans la joie parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons manifester la joie? Vraiment, nous rendons grâce à notre Dieu. Tunarudisha shukrani kwa Mungu wetu. D'être parmi vous. Hivi tunajikuta katikati yenu. Nous donner encore le souffle de vie. Aliweza kutupatia tena pumzi. Parce que vivre c'est une grâce. Kuishi imekuwa tu ni neema. Nous remercions encore notre pasteur qui est l'ange de l'église. Tunampikia tena asante mchungaji mwenye anakuwa malaika wa kanisa. Pour la confiance qu'il nous a accordée. Kwa confiance yenye aliweza kutupatia. Parce que la chair est chère. Mimbali inakuwa ni ya bei. C'est difficile de donner la chair à n'importe qui. Haina kiepesi kupatia mimbali kwa mtu wowote. Si aujourd'hui papa nous a accordé de passer devant vous. Kama baba alitualika tupite mbele yenu. En tout cas, nous disons merci papa. Tunampikia baba asante. Nous disons merci encore à toute l'église. Tunapikia asante kwa kanisa mzima. Pour votre présence. Kwa uwapo wenu. Parce que nous savons que tunajua kusema cette soirée vous serez béni. Magharibi ya leo mtabarikiwa. Amen. Amen. Amen ba mama. Amen. Nous savons bien que je sais que nous sommes bénis ce soir. Vu que nous allons recevoir des visiteurs au milieu de nous. Nous voyons maman Sylvie, maman pasteur Mabanza, anaweza kushimama tumpoke. Je vois aussi maman présidente de l'église Kamatanda. Tunaona na maman Bambi, maman présidente à wa Kamatanda. À la personne de maman Bambi. Na kwa tu ni maman Bambi. Tampokele Athena. Je vois aussi maman Emerance, maman Aimé de Kampompi. Tunaona na maman Emerance wa Kampompi. Maman Amen. Amen, Église. Amen. Sans plus tarder, bila kuponda wakati, nous voulons inviter notre oratrice du jour. Tutaalika tena mubiri wetu wa siku. Je voulais exhorter le peuple de Dieu. Ninapenda subutisha taifa wa Mungu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tunakuwa ndani ya uwapo wa Mungu. Soyons attentifs. Tukuye na sikia. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour transmettre son message. Mungu anaweza kutumia mtu wowote kwa ajili alete tena ujumbe wake. Soyons attentifs. Tuwekwe mafikiri fasi moja. Et notre oratrice du jour. Mubiri wetu wa siku. Répond au nom de maman Maryse Malopa. Mukanzila. Jina lake inakuwa ni mama Maryse Mukanzila. Anaweza kusimama bwima. Yeah. Je crois que vous la connaissez tous. Minazania kusema nyinyi wote tunesha kumjua. Elle est mariée. Yeye anesha kuolewa. Son épouse est l'ancien Christian Mukanzila. Mume wake inakuya tu ni ancien Christian Mukanzila. Elle est mère de 5 enfants. Anakuya mama wa watoto. Des jolies filles. Tano wa watoto wanawake. Elle est aussi une femme dynamique. Na kisha anakuya tena mwanamke mwenye kusimama. Nous osons croire que nous serons bénis, nous serons édifiés par sa prédication. Tunazania kusema tutabarikiwa kwa mahubiri yake. Nous l'invitons et nous vous invitons à vous tenir debout et accueillons-le en avant. Tunamialika msimame bwima na wakati anapanda tunampokea. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Tunaweza kuendelea na kumchapia Bwana kofi. Est-ce qu'il y a une maman ce soir qui peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Sifa irudie kwa Mungu. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie. Tunampikia Bwana asante kwa pumzi. Dieu a permis que nous soyons encore ce soir dans sa présence. Mungu alialika tuwe hapa tena jioni ya leo mwapo wake. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Na kisha tunamrudishia zaidi shukrani. Nous présentons nos remerciements premièrement à notre révérend pasteur Désiré. Tunarudisha tena mashukrani wetu kwa mtumishi pasteur Désiré. Merci papa pour la confiance. Kwa yote na confiance. Je pense que je me joins à toutes les mamans pour dire merci au pasteur Désiré. Mie na wamama wote tunapika asante kwa mchungaji. Si y a une maman qui peut m'accompagner pour dire merci au pasteur. Kama kuku mama moja anaweza kunisindikiza kupikia asante kwa mchungaji. Pour cette semaine pour toutes les mamans. Gloire soit rendue à Dieu. Sifa imurudirie Mungu. Nous disons merci au comité de maman. Tunasema asante kwa komiti ya wamama. Pour la confiance que vous nous avez donnée de kwa présenter. Muliweza kutupatia à la chair. Kupita kumimbali. Nous disons merci également aux anciens. Tunapika asante kwa wazee. Aux diacres de l'église. Kwa washemashi wa kanisa. Et à tout le peuple de Dieu ce soir. Na taifa yote ya Mungu. Nous vous disons sincèrement merci. Tunamipikia asante. Sans plus tarder, nous allons parler. Bila kuponda wakati tasemezea. De notre thème de l'année. Kwa shina yetu ya mwaka. Notre thème de l'année se trouve dans le livre de Juges. Shina yetu ya mwaka inajikuta mkitabu kia wamzi. Chapitre 6, le 14e verset. Sura yake ya sita na sharia yake ya kumi na mnane. Je crois que ça fait maintenant 3 mois on est en train de parler de ce livre. Inakuya ni miezi tatu tunasemezea kwa ajili ya shina huyo. Et c'est en train de nous bénir énormément. Na iko na tubariki zaidi. La Bible dit. Biblia iko na sema. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Bwana kamgeukia na kumwambia. Va avec cette force que tu as. Henda kwa nguvu uko nayo. Et délivre Israël de la main des Madian. Ukaokoa Israeli mkononi wa Midiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je, si mimi niliweza kukutuma. Ce verset a été tiré d'une histoire des Israélites. Hiyo tena mustari baritosha mwistoria ya Waisraelite. Le premier verset, la Bible dit, les Israélites ont déplu à l'Éternel. Sari ya kwanza nasema Waisraelite waliweza msilikisa Mungu. Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madian. Na Mungu aliweza kuachilia mikononi ya wamadiani. Il a déterminé, il a dit, on les a livrés pendant 7 ans. Aliweza kuwaacha miaka 7. Quand les Israélites sont ont été livrés entre les mains des Madian, wakati waliachilia mu mikono ya Midiani, les Madian ont commencé à détruire les Israélites. Midiani ikaanza kuharibu watoto wa Israeli. La Bible dit, Biblia iko nasema, ils ont commencé à prendre leur production. Wao wakaanza chukua ile balianza kulima. Ils ont commencé à prendre leur brebis. Wakaanza kubeba kondo lao. En bref, ils étaient en train de prendre tout leur bien. Mukifupi balianza kubeba mali yao yote. À un moment dans la Bible, les Israélites ont dit que Madian était fort sur nous. Wakati moja baliweza kusema Madiani alikuwa tena nguvu kwa ajili yetu. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Mais dans le 11e verset, mstari yake ya 11, la Bible dit, Biblia iko nasema, Gédéon, Gideoni, il était en train de paître le froment au pressoir. Yeye alianza kupika hata ngano. Pour le mettre à l'abri des Madian. Ivi haiweke ayepushe kumikono ya wamadian. Par là, je comprends que pale nikaelewa, Gédéon lui, Gideon yeye, il savait que les Madianites devaient venir. Halijua ya kusema wa Midiani waliweza kuja. Il a pris tout ce qui était de lui. Halichukua yote ilikuwa yake. Il a pris toute sa production. Aliweza kuchukua yote aliweza kulima. Il a commencé à travailler. Kaanza kuyatumika. Il travaillait, donc ça veut dire que Gideon a pris ça avant les autres Israélites. Ni kusema Gideoni alibeba mbele ya watoto wa Israeli wapande kuyachukua. Les Israélites ont commencé à voir que les Madianites prenaient leur production alors que Gédéon lui, il connaissait le temps. Watoto wa Israeli waliona sema wa Midiani wanachukua bile balikuwa banesha kulima lakini Gideoni yeye halijua wakati. C'est là que nous avons tiré notre sous-thème de ce soir. Ni pale tunatosha shinandoko yetu ya magharibi ya leo. Et la connaissance du temps. Alléluia. Ufahamu ya wakati. Amina. La connaissance du temps. Ufahamu ya wakati. Gideon lui. Gideoni yeye. Il connaissait le temps. Halijua wakati. Dieu l'a préparé. Mungu aliweza kumtayarisha. Comme une réserve pour les Israélites. Aliweza kumtayarisha kama ule anaweza komboa watoto wa Israeli. Sans Gideon, bila Gideoni, les Israélites allaient souffrir. Watoto wa Israeli walipasha kuteseka. Sans Gideon, bila Gideoni, les Israélites devaient rester dans la famine. Watoto wa Israeli walipasha kubakia katika njaa. C'est par là que nous allons définir le temps. Ni pale njo tutasema nini inakuya wakati. Le temps c'est une durée. Wakati inakuwa tu ni wakati mmoja. Des choses qui sont marquées par une période, des choses bonnes ou mauvaises. Ya vitu binaweza kuya vizuri au vibaya. Dans notre vie, nous pouvons passer par plusieurs temps. Mumaisha yetu tunaweza pita ndani ya wakati mingi. Les Israélites sont passés par un temps. Watoto wa Israeli walipita mu wakati. Où les Madianites sont venus détruire leur production. Kule wa Midiani walikuya kuharibu bile baliweza kupanda. C'était pour eux un temps. Ilikuwa ni kwa ajili yao wakati. C'est par là que nous allons dire, nous allons parler du premier sous-point. Na pale tutasemezea kwa nukta yetu ya kwanza. Le Dieu des saisons. Amen. Mungu wa nyakati. Amina. Notre Dieu, c'est un Dieu des saisons. Mungu wetu amekuwa ni Mungu wa nyakati. Peu importe par quoi nous sommes en train de passer. Ingawa fasi yote tunaweza kupita. Notre Dieu est capable de changer les situations. Mungu wetu anakuwa na madaraka ya kubadilisha mahali. Le Dieu que nous sommes en train de prêcher ce soir. Mungu mwenye tunahubiri jioni ya leo. Un Dieu qui peut nous sortir d'une situation A. Ni Mungu anaweza kututosha pahali ya kwanza. Situation B. Na kutuleta pahali ya pili. Je prie ce soir pour quelqu'un. Na ombea mtu mmoja jioni. Qui est venu avec un problème. Mwenye alikuwa na shida fulani. Je suis venu le rassurer. Na kuya kumupa hakikisho. Le Dieu de notre église. Kusema Mungu wa kanisa yetu. Qui peut sortir quelqu'un de la maladie. Ni Mungu anaweza kutosha mtu katika ugonjwa. La guérison. Na kumuleta kumatunzo. Le Dieu de notre église. Mungu wa kanisa yetu. Nous avons confiance en lui. Tunakuwa na kitumaini ndani yake. Le Dieu de notre église. Mungu wa kanisa yetu. Nous avons confiance en ce qu'il peut faire. Tunakuwa na tumaini kwa hiyo anaweza kutenda. Il peut sortir quelqu'un de la maladie. Anaweza kutosha mtu kwa ugonjwa. Et lui donner la guérison. Na kumupatia matunzo. Je suis en train de voir les Israélites. Niko naona watoto wa Israeli. À un moment donné, ils ont souffert. Kwa wakati fulani waliteseka. La Bible dit au verset 7, ils ont crié à l'Éternel. Biblia inasema mstari wa saba wakamlalamikia wa milele. Seigneur, c'est plus fort que nous. Wakasema Bwana inatupitia. Les Madianites ont tout pris. Wa Midiani walichukua yote. Les Madianites ont tout pris. Wa Midiani walibeba yote. C'était difficile pour ces gens. Ilikuwa kigumu kwa ajili ya watoto. C'est par là que nous comprenons que ni pale tukaelewa. Quand nous sommes en train de passer par une situation difficile. Tuko napita hata mu wakati kigumu. La solution ne vient que de Dieu. Lakini jibu inatoka ni kwa Mungu. Le Dieu que nous sommes venus annoncer ce soir. Hata Mungu tulikuwa tafuta hapa. C'est un Dieu puissant. Ni Mungu wa uwezo. C'est un Dieu qui est capable. Ni Mungu anayekuwa na mawezo. Qui est les larmes de quelqu'un. Ya kupanguza chozi ya mtu mmoja. Qui est venu avec les larmes ce soir. Wewe ulikuwa na chozi ya mtu. Le Dieu que nous avons. Mungu mwenye tuko naye. Il essuiera les larmes de quelqu'un. Yeye atapanguza chozi ya mtu. Celui qui est venu avec la maladie. Mwenye anakuwa na ugonjwa. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Il essuiera les larmes de quelqu'un. Atapanguza chozi ya mtu. On nous parle dans Luc. Katika Luka. On parle de l'histoire des lépreux. Banatuambia juu ya historia ya wao wakoma. Jésus est en train de passer à Samarie. Yesu akaanza pita Msamaria. Il allait vers Galilée. Alianza kwenda ku Galilaya. Il a trouvé 10 lépreux. Hakakuta tena wakoma wakumi. Jésus les a guéris. Yesu aliweza waponya. La Bible dit. Biblia kona sema. Il est arrivé, il a vu, il y a un lépreux qui est rentré. Kulikuya tena mukoma moja alirudia. C'est le peu, il a regardé. La Bible dit, il a regardé en lui-même. Hakangalia tena ndani yake. Il a vu qu'il était guéri. Haliona ya kusema amepokea matunzo. Il a compris que Dieu l'a sorti d'une saison. Huyo mukoma akaelewa kusema Mungu kamtosha kwenye kazi na kumpeleka kwenye kazi. Et le lépreux ne s'était pas tu. Huyo mukoma asikutale kinyo. L'Éternel. Lakini harirudia kwa wa milele. Il est rentré vers celui qui l'a guéri. Harirudi kwa ule ampatia matunzo. Ce soir nous allons prier, nous allons demander à ce qu'on ait un esprit de discernement pour comprendre le temps par lequel nous passons. Midi tuombe Mungu atupatie roho ya kuyumba chanisha. Le lépreux. Il a compris, il a regardé. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Hein? Ce n'est pas que les neuf autres lui ont dit que tu es guéri. Lui-même a compris, il a regardé. À un moment dans la vie, asseyons-nous, regardons-nous. Si tu as quelque chose que tu n'avais pas hier, comprends que ça c'est Dieu. Ce soir, nous avons ce Dieu. Nous allons nous asseoir, on dit, Seigneur, on n'avait pas. Mais aujourd'hui, on a. C'est un Dieu de changement. C'est un Dieu qui peut te sortir du point A et t'amener là qu'il a préparé lui-même. Seule épreuve. Il n'a pas attendu que les autres lui disent, on part voir le Seigneur. Dans la vie que nous avons, à un moment, c'est mieux de s'asseoir chacun. À un moment, on a une vie personnelle avec Dieu. Tu t'assois seulement toi-même, tu dis, c'est seulement Dieu qui a fait. C'est seulement Dieu qui a béni. C'est seulement Dieu qui a donné. Et tu te lèves, tu dis, tu bénis l'Éternel. Le deuxième point, nous allons parler de potentiel. Le thème de cette année nous amène à découvrir les potentiels que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, pour sortir d'une saison difficile, faire une saison facile, on a besoin d'exercer les potentiels que Dieu a mis en nous. C'est impossible si on n'exerce pas les potentiels. C'est difficile si on n'exerce pas ce que Dieu a mis en nous. Dieu ne viendra pas le faire à notre place. Il est là, il nous attend. Je comprends. Gédéon, quand il était assis, les autres en étaient en train de détruire leur production. Mais Gédéon était assis, il était en train d'exercer son potentiel. Il était en train de battre le froment. C'était ça le potentiel qu'il exerçait. Et de ce potentiel, Dieu l'a élevé. De ce potentiel, Dieu a changé de saison. C'est possible ce soir. Si ce soir on accepte d'exercer nos potentiels, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de changer de situation dans notre vie. Je vois la femme à la perte de sang. Je lis ça dans Matthieu 9. Cette femme, là, il dit, elle était en train de perdre de sang, ça fait 12 ans. Bien-aimé, je me suis assise, j'ai dit, nous avons mal à la tête. Déjà le premier jour là, on va à l'hôpital. Ça ne va pas traîner. Le troisième jour là, je dois aller à l'hôpital. Je suis en train de voir cette femme, 12 ans. Elle a vu des docteurs. Elle a vu beaucoup de gens pour qu'on la soigne. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Il y a eu un temps où Dieu est passé. Cette femme a dit, aujourd'hui, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Amen. C'est possible. Cette femme, quand elle a fini de parler, Dieu a dit, à l'heure même, quittant 12 ans, et la solution est venue instantanément. Par moment, on a besoin de ce Dieu instantanément. On a besoin de ce Dieu qui peut agir. Quand on parle, on prie, Dieu agit. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons confiance en ce Dieu. Cette femme, elle a quitté d'une saison difficile de 12 ans. Je m'imagine comment elle vivait. Mais quand elle a rencontré Dieu, Dieu a changé de saison. Dieu a changé sa saison de pleurs en saison de joie. Ce soir, nous annonçons ce Dieu qui est puissant. Ce Dieu guérit instantanément. La Bible dit à l'heure même. Donc, ça n'a pas traîné. Ce soir, Dieu est capable. Quand tu lui poses ton problème, bien aimé, aie confiance que instantanément, Dieu peut donner la solution. Nous, peut-être, ça fait 12 ans. Nous, peut-être, ça fait une année, ça fait 2 ans, on a pleuré. Mais dis-moi, à celle qui a eu 12 ans, Dieu a guéri à l'heure même. Mais que dirais-je de nous? Le Dieu de la Bible, c'est ce Dieu que nous annonçons ce soir. Le même Dieu de la Bible, c'est ce Dieu que nous prêchons ce soir. Ce Dieu qui est puissant. Ce soir, celui qui est venu avec la maladie, nous vous annonçons un temps de Dieu. Nous vous annonçons le temps que Dieu a préparé pour nous. Nous vous annonçons un Dieu, un temps de guérison ce soir. Nous vous annonçons un Dieu qui va agir aujourd'hui même. Bien-aimé, c'est le temps de Dieu. Mettons juste confiance en ce Dieu. Et il agira. C'est possible qu'il agisse. C'est lui qui s'est posé des questions. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, si ton potentiel, c'est de chanter. Chanter. Dieu est capable de vous sortir. Capable de sortir quelqu'un qui est en train de torchonner vers le haut. Je vois cette femme. Je vois Gédéon. Il est en train de battre le froment. Dieu l'a sorti de là. C'était le potentiel qu'il avait. Bien-aimé ce soir. Exerçons bien nos potentiels. Faisons le bien. Dieu est fidèle. Faisons-le très très bien. Je me demande seulement. Quand Gédéon était en train de prêter le froment, où étaient les Madianites? Comment ils l'ont pas vu? Comment ils n'ont pas pris ce qu'il était en train de faire? Je comprends. Quand on est en train de travailler, quand on exerce les potentiels, Dieu nous protège de nos ennemis. Amina. Il nous protège de tout cela qui nous fait du mal. On n'a pas à s'inquiéter. Exerçons seulement. Nous allons vivre le Seigneur. Dans nos maisons, faisons ce qu'on peut faire de mieux. Dieu ne va pas nous abandonner. Gédéon. Mais moi je me dis, quand l'Éternel a dit, Je les livre. Il n'a pas accepté Gédéon. Mais parce qu'il était en train d'exercer son potentiel. Dieu l'a sécurisé. C'est possible ce soir. En exerçant le potentiel. Dieu est capable de nous sécuriser. Amen. Dieu est capable de nous sécuriser. Danger. Il y a des choses que le monde des ténèbres prépare tous les jours contre nous. Des fois, moi je me dis, on est en train de dormir. Mais ce qui nous sécurise, c'est ce qu'on avait fait pour le Seigneur. C'est ce qu'on avait fait, c'est nos potentiels. Dieu vient. Quand l'ennemi est en train de vouloir nous faire du mal, il vient nous sécuriser. Amen. C'est important. Le deuxième point dont nous allons parler ce soir, c'est que Dieu garantit notre futur. Là, nous allons lire le livre de Genèse. 41. On commence du 25e au 33e verset. Amen. Amen. Joseph a dit à Pharaon, c'est que songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années Et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grandes abondances dans le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et elle en oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exercer. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Amen. Amina. Cette histoire est venue du rêve de Pharaon. Inatokea ni kwa ndoto ya Farao. Pharaon a eu un rêve. Farao alipokea ndoto. Il voulait l'interprétation de ce rêve. Alipenda wa mtafsiri tena hiyo ndoto. La Bible dit. Biblia nasema. Il a essayé de chercher l'interprétation. Aliweza kutafuta tafsiri ni wapi. Il a cherché, il a appelé beaucoup de ses interprètes, ils n'ont pas pu. Aliita tena watu wengi lakini hawakuweze kumtafsiria hiyo. Et c'est là qu'il a fait appel à Joseph. Ni pale aliweza kumwalika Yusufu. Ce rêve, hiyo ndoto, a été comme une loi. Ilikuwa ni kama sheria. Si qu'on est en train de préparer une famine, barianza kutayarisha hali moja ya njaa et une abondance en Égypte. Na hali tena ya utele ndani ya Misri. Mais comment il fallait trouver la solution par rapport à ce rêve? Namna gani ilibidi kuleta jibu kupitia hiyo ndoto? Il fallait avoir les gens qui avaient le Saint-Esprit comme Joseph. Ilibidi kukue watu kama Yusufu wenye walikuwa na Roho Mtakatifu. Tous ces gens-là que la Pharaon a appelé n'ont pas pu interpréter ce rêve. Awa watu wote Pharaon aliweza kualika hawakulete jibu kwa ndoto. Alors Pharaon a fait appel à Joseph. Wakati moya Pharaon akamwalika Yusufu. Et Joseph a pu interpréter le rêve. Na Yusufu aliweza kuleta jibu kwa ndoto. Joseph n'a pas pu interpréter le rêve. Yusufu weza kutafsiri hiyo ndoto de lui-même. Asikuitafsiri kwa yeye peke. C'est là que nous parlons du Saint-Esprit. Ni pale tunaona Roho Mtakatifu. Joseph a été animé du Saint-Esprit. Yusufu alijazwa na Roho Mtakatifu. De là qu'il était en prison. Pale alikuwa ndani ya gereza. Pharaon, quand il est cherché, wakati Farao alianza kutafutisha. Il était agité. Moi je me dis, il fallait même qu'il accepte l'interprétation des autres. Ilibidi hata aichikie tafsiri ya wengine. Mais le Saint-Esprit ne l'avait pas encore convaincu. Lakini Roho Mtakatifu haikukwenesha mupa hakikisho. Mais quand Joseph est arrivé, Yusufu wakafika. Il a été convaincu. Yeye anakuya na kikisho. C'est là que Joseph lui explique, il dit, Yusufu akamwambia Farao, il y aura dans les jours à venir. Asema mu masiku ijayo. Il y aura de la famine. Kutakuwa njaa. Il y aura de l'abondance dans le pays. Na kutakuwa tena utele ndani ya nchi. Alors dans notre vie par moment, ndani ya maisha yetu mara nyingi, nous avons besoin des gens qui ont le Saint-Esprit. Tunahitaji hawa watu wanakuwa na Roho Mtakatifu. Pharaon aussi n'avait pas trouvé d'interprétation. Farao kama sikupokea hiyo tena utafsiri. Mais j'étais allé souffrir de la famine. Misiri pasha kuteseka na njaa. Personne n'allait être là pour interpréter. Hakuna mtu aliweza kutafsiri. Et la chose devait arriver. Na hiyo kitu kilifika. Joseph de là qu'il était. Yusufu vile alikuwa. À cause du Saint-Esprit. Kupitia tu Roho Mtakatifu. Il a quitté de la prison. Yusufu akatoka ndani ya gereza. Vers la royauté. Na kaenda. Quand le temps de Dieu arrive, wakati wa Mungu kifike, ça ne te sort pas seulement de la prison. Haikutosha tu ni paka ndani ya gereza. Il y a quelqu'un en prison. Mtu mwenye anakuwa ndani ya gereza. C'est quelqu'un qui manque de la liberté au fait. Ni mtu ule asina uru. Il a besoin même de se tenir juste ici devant. Anahitaji hata kujiweka tu mbele hapa. À un moment je me dis, il fallait même que Pharaon lui dise merci beaucoup. Kwa wakati ngine ni pasha kusema hata Pharaon lui pasha kupigia accent. Tu nous as interprété le rêve. Uliweza kutuletea utafsiri wa ndoto. Le cadeau que je te donne. Na inakuwa tena zawadi nitakupatia. C'est la liberté. Inakuwa tu moi je pense humainement parlant, ça ça pas Joseph allait être content. Yusuf parce qu'il avait besoin de la liberté. Yeye alitajia tu ni kuwa huru. Mais quand tu as le Saint-Esprit, wakati umekuwa na Roho Mtakatifu, ça va au-delà. Inaenda kuzidia bila kuzamia. Ça l'a quitté non seulement de la prison. Haikumtoshe paka tu mgereza. Ça lui a donné non seulement la liberté. Haikumpatia tu akuwe huru. Ça l'a amené même à la royauté. Lakini ilimuleta ku hali ya ufalme. Quand il vient dans la vie de l'homme, wakati Roho Mtakatifu inafika maisha ya mtu, change beaucoup de choses. Inabadilisha vitu. Bien aimé dans le Seigneur, aspirant au Saint-Esprit. Upendo katika Bwana tutafute Roho Mtakatifu. J'ai lu. Pharaon a dit. Pharaon akasema, je te donne tous les commandements. délivrement de l'Égypte. Bien-aimé, combien le Saint-Esprit il change de saison. C'est possible ce soir de quitter de la prison vers la royauté. Le Dieu de Joseph, c'est ce Dieu que nous annonçons ce soir. Il a accepté de le changer, de le sortir de l'humiliation vers la royauté. Celui qui est venu dans l'humiliation ce soir reçoit la gloire de Dieu, reçoit la paix de Dieu. Celui qui est venu malade ce soir recevez la guérison au nom de Dieu. Parce que notre Dieu, avec le Saint-Esprit, il est capable de tout faire. Il est capable de tout changer. Ce soir, c'est ce Dieu-là qui va venir dans nos vies. Le Saint-Esprit, il est notre ami. Bien-aimé, le matin, à midi, aspirons au Saint-Esprit. Aspirons au Saint-Esprit. Quand tu te sens captivé, quand tu sens que le danger, je suis en danger, notre premier ami, c'est le Saint-Esprit. Notre premier ami, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient, il garantit le futur. Joseph, quand il était en prison, il n'avait plus d'espoir. Il se disait, j'attends le jour qu'on le libérera. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a assuré le futur de Joseph. Le futur de Joseph qui était la royauté, il est passé par Pharaon. Il lui a donné un rêve. Et le Saint-Esprit est en train d'entrer petit à petit. Il lui a donné un rêve au roi. Et voilà qu'il avait besoin de Joseph. Et vous, Joseph, Yusuf a été propulsé à cause du Saint-Esprit. Bien-aimé ce soir, le Saint-Esprit, il peut nous propulser. Il ne veut pas dire que quand je n'ai pas de boulot, il faut savoir que je commence bas. Non. Nous connaissons le Saint-Esprit. Par moment, on peut monter des échelons. Tu ne veux pas dire. On est roi. On est dans des postes élevés. On a des Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est possible. En tant qu'enfant de Dieu, quand on a le Saint-Esprit, na là où les autres ont fait les examens d'embauche, on leur a fait de passer après. Mais pour nous, lakini kwa ajili yetu, parce qu'on a le Saint-Esprit, vile tunakuwa na Roho Mtakatifu, ce jour-là on a corrigé. Il est si kubaliweza kubadilisha. Avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu, c'est possible. Inawezekana. Ce soir, bien-aimé, jioni ya leo mpendwa, aspirons à vivre ce Saint-Esprit. Tutamani kuishi pamoja na Roho Mtakatifu. Il est capable de changer de saison. Anaweza badilisha manyakati. Il est capable de nous aider. Heko na tusaidia. Là où c'était difficile, bien-aimé, pale palikuwa kigumu, tu te posais des questions, pale ukaanza jipigia swali, je n'ai pas d'enfant, sina na mtoto, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, de te sortir de la stérilité. Il n'aweza kukutosha mahali ya utasa. Te donner des triplés. Na kupatia hata wa mapasa. Ce n'est pas encore tard. Haina mwisho. Même si nous, peut-être les autres ont eu avant. Sa zingine wengine walipokea mwanzo. Lakini Roho Mtakatifu wakati na fika. Il change des échéants. Anabadilisha mahali. Il n'est pas là, il dit que non, il faut d'abord non. Ashina pale kusema inabidi changer des situations. Lakini yeye anaweza kubadilisha. Il n'y a pas de protocole avec le Saint-Esprit. Hakuna kusema il faut kufuata kifulani pamoja na Roho Mtakatifu. Je viens vous demander que nous puissions prier pour que le Saint-Esprit habite en nous. Ça sera facile avec nous. Ça sera facile parce qu'on a le Saint-Esprit. Là où on peut entrer avec difficulté, là où les saisons, le temps était difficile, le Saint-Esprit nous facilite. Ce soir, on va se tenir debout. Nous vous annonçons ce Dieu du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons nous lever pour implorer ce Dieu qui va changer des situations dans nos vies, qui va changer la situation d'une maman, qui va changer la situation d'un papa, qui va changer la situation d'une fille. Je t'ai posé des questions. Ça va se passer comment? Mais ce soir, je vous demande, il y a un Saint-Esprit au ciel. Il y a un Dieu vivant au ciel. Il y a un Dieu qui est capable. Je ne connais pas peut-être bien les problèmes. Mais si Dieu est vizuri shida, mais le Dieu que je vous annonce, il est en train de sonder partout. Il est en train de passer. Il est en train de voir un cœur qui a mal. Il pose des questions. Il est en train de voir un cœur qui se demande, mais ta famille, ta chère. C'est ce que ça va se passer. Que nous annonçons ce soir. Bien, mais nous ayons confiance en ce Dieu. Et il agira. Et nous ayons confiance en ce Dieu. Il va nous aider à relever les potentiels. Vers notre destinée. La Bible dit, va avec la force que tu as. Sans le Saint-Esprit. Si on devait aller en Afrique du Sud, on peut arriver à Lubumbashi. Et puis on rentre. Bien compliqué. Les choses seront compliquées. Mais avec le Saint-Esprit. Nakini pamoja na Roho Mtakatifu. Aux États-Unis. Quand on veut quoi na ku. Ça ne va pas compliquer. Aux États-Unis, wezi kubia sio. Notre destinée. Inakuwa kesho yetu. Si Dieu a prévu. Kama Mungu alitayarisha. Que ce soir nous serons dans ce lieu. Ya kusema dioni leo tukuepa na fazi. Il a un but avec nous. Mungu amekuwa na shaba pamoja nasi. Il a des raisons. C'est un temps que Dieu a préparé. Ni wakati Mungu aliweza tayarisha. Pour nous approcher de lui. Njoo tupate kusogea kwake. Pendo katika Bwana. On va se tenir debout. Tutainuka. On va prier le Seigneur. Tutaomba Bwana wapendwa. Notre souhait ce soir. Inakuya yetu ile tunatamani. C'est que le Saint-Esprit agisse. Ni kusema Roho Mtakatifu itende. Notre prière ce soir. Ombi yetu ya dioni. Le Saint-Esprit nous sorte. Ni kusema Roho Mtakatifu itutoshe. Des problèmes. Mu mashida fulani. Faire la solution. Na kutupatia jibu. On est tel qu'on est venu. Atuwezi kurudi vile tulikuya. Mais cette transition là, il est mahali. Mais ça demande le Saint-Esprit. Inabidi tu nipaka Roho Mtakatifu. Si tu avais un problème. Kama kuna shida. Le Saint-Esprit est capable. Roho Mtakatifu inaweza dioni. Nous donner la solution. Kupatia jibu. Ce soir on va se lever en prière. Dioni ya leo tutainuka. Nous allons demander à Dieu. Tutamwomba Mungu. Papa. Baba. Kila mtu ana mambo yake. Tout un chacun a son problème. Utasema na Mungu. Seigneur. Bwana. Ça ne va pas. Habiendeke. Chacun connaît son problème. Les Israélites, à un moment, ils ont dit, Seigneur, les Madianites sont forts sur nous. Wamidiani wanakuwa na nguvu kutushindi. Mungu alishuka. Les a envoyés Gédéon. Mungu akawatumia Gédéon. Ce soir, Nadione. Il y a un Gédéon que Dieu va nous envoyer dans notre vie. Munakuya tena Gédéon yule Mungu anatutumia. Si tu as perdu la production. Kama uliweza kupotesha bila uliweza kufu. Si tu as perdu le commerce. Ulipoteza hata biashara yako. Dieu va nous envoyer une réserve. Mungu atatutumia ile tena na réserve. Mungu atatutumia. Il y a des choses qu'il avait réservées pour nous. Kuko bitu Mungu anesha kutuchungia. Ce soir, je vous envoie Gédéon. Dioni a leo tunia Gideon. Solution. Mwenye nakuwa kama jenu. Qui avons perdu des réserves. Quoi si si ouais ça peut protéger le tout. La production. Si si tu ripotesha ma. Gideon est notre réserve. Nous allons prier ce soir. Tout omba Dioni a leo. Que le Saint-Esprit descende bien aimé. Rom takatifu ishuke wa pe. C'est possible ce soir. Inawezekana Dioni. Dieu change tes positions. Mungu abadilishe mahali. Prions que le Saint-Esprit. Tu ombie kusema Rom takatifu. Descende ce soir. Kusuka Dioni ya leo. On va entrer en prière. Tutaingia ndani ya maombi na tunaomba mchana na Yesu. Saint-Esprit est là ce soir. Roho Mtakatifu inakuwa pa Dioni. Saint-Esprit est là ce soir. Roho Mtakatifu inakuwa pa nafasi hapa. Saint-Esprit va agir ce soir. Roho Mtakatifu itatenda Dioni ya leo. Priez que de mama. Kama ni mama tapa. Dieu de le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu inakuwa pa. Alléluia. Invitons le Saint-Esprit dans nos vies. rendons gloire à Dieu pour ce bon message. Maman Marie, que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit. Pour changer le temps, Dieu n'utilise que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui